le cirque a monté son chapiteau de rêve pour les enfants. Petit Pierre a vu les yeux remplis de fièvre. Chante tout endormi. Comme le cirque, il raconte, il y a de la musique.